Tu as survécu dans mon âme, dans mes pensées, dans mon attitude sereine. Quand la solitude me brise et m'apaise, ton ombre revient et éclate dans la lumière. Car bien que je sois mort en toi, tu as survécu en moi, dans mes pensées, mes comportements, dans le calme avec lequel j'affronte ce malheur. Je garde tes sudoku et ta chaise, le bureau que j'ai dessiné à ta hauteur, le tableau où je t'ai dessiné sur l'autre rive, celui du long adieu que nous n'avons jamais concédé. L'être d'amour, ton lit, ta chambre, la trace de ton parfum dans chaque creux. Ainsi ton essence demeure dans mes lamentations, comme la sève de la rose en avril. La nuit mes paupières se ferment et je vois dans ce portrait illuminé tes yeux fidèles que les ombres closent. Ton geste pur, clair, amoureux. Ou peut-être n'as-tu pas quitté cette terre, bien que ton corps et ta voix soient partis, bien que ton orgueil trouble encore mon réconfort, ta gentillesse persiste à mes côtés. Enfin, imitant ta froideur face à mon agonie, je donne tes affaires à une jeune femme qui d'un amour charnel guérit mes peines. Dissous tes lettres, tes robes, ton entêtement. Tu as survécu dans mon rat, dans mes pensées, dans mon attitude serein, quand la solitude me brise et m'apporte.